Bonsoir. À la une aujourd'hui, une étude réalisée sur une nouvelle tendance chez nos jeunes. Dans le reportage qui suit, vous verrez à quel point les rappeurs peuvent avoir une influence sur le comportement de nos jeunes adultes. Vas-y, on le fait là. Faut qu'on la fume, ça, la bordel, putain. Parce qu'on est en train de pisser. Inspire, vin des amateurs, chaque jour j'écris du bon rap. J'avais un rêve, sortir mon album comme à mon habitude. Je fais pas les choses à moitié, au micro je rase tout ce que j'ai. Donnerai la sueur de mon front pour prouver qu'on est dans le vrai. Mon inspi vient des amateurs, je vous écris du bon rap à la bonne heure, dès le matin un bol d'Hadès. C'est grâce à leur son que le rap progresse. J'ai jamais braqué de caisse, écrire ma vérité sur papier en passant par la scrée des mots-clés. Comme moi déjà fait nécessité, Illuminati dans mes pensées. Je te laisse t'exciter sur leur succès. Esquive les mecs comme Jean Gabin, ceux qui ballent des phrases comme des vrais gamins. Écoute les MC Jean, ça craint. Sensation d'amertume quand on dit que t'es un rappeur, quand on fait son succès qu'avec les autres. Que ferais-tu si t'étais seul? Écoute les mecs de GTA. Où je vais? Je ne sais pas vu que la terre tourne en rond. Mais où je vais? Je ne sais pas vu qu'on entame le dernier rond. Mais où je vais? On ne sait pas. Donc on s'est là, vu que c'est pas. On est souffrant. Et chacun a mis sa peine. Où les plus ne vont pas où ils veulent. C'est écriture, sous sa littérature. Pour une fois zéro censure. Pour les rappeurs, ce sont les seuls sûrs que leur rap c'est coup fatal. 2007, biennale infernale. ROH2Z, j'ai kiffé le code de l'honneur. Mes petits frères veulent grandir trop vite. De nos jours, l'amateur te fume sec et vite. Comme je dis à Alexis, faut savoir rester un. Même si c'est dans mon studio que ça dans c'est pesky. Mais sans rancune, j'achèterai le prochain scud sans souci. En attendant notre album comme cynique, mes rimes sont soignées, je perds la zik à l'ancienne comme arsenic. Les grands m'ont lancé dans ce milieu, comme Yannick depuis 18 piges, me supporte depuis peu. Quand la flaque ouvre ses portes, à chaque sortie du nouveau Ouba. C'est sûr, je vais pas tester à Ali, je reste dans le quartier à Boulby. L'esprit, on se croisera là-bas, bouge pas d'ici, on est en 2007. Les 113, fais encore du pèse. Comme Rimka, je t'en ferai le portrait, ma flaque infrit les mecs qui pèsent. Écoute mec, mes lyrics, jamais ne se répètent. Accuse ceux qui foirent dans le milieu, ceux qui se la pètent. Billionnaire ambitieux, je suis dans mon domaine, devant le mic. Pas ceux qui m'a de travers, j'ai pas de sujet, son qui t'empoisonne. Billionaire pour les faire taire, le punch de Mike Tyson.